demande comment on fout la merde. Pas venu pour jouer. Ding dong, c'est un message de ta bête. Je viens te dire que ton mec, ben maintenant c'est ton ex, je t'explique. J'ai vu la story d'Emily, dessus y'avait tu sais qui bougeait sur sa bougie. Oh non, c'est ta culotte qui doit mouiller, pas tes joues. On va y aller, on va leur faire un bonjour. Mais oui, t'inquiète, juste un petit coucou. Oui, oui, monsieur va prendre ses jambes à son cou. Si t'as pas de cop, tu bloques. Si c'est pas ma pote, tu coques. Si t'as pas de cop, tu bloques, bloques. Si c'est pas ma pote, tu coques. Si c'est pas ma pote, tu coques, coques. C'est de panique, c'est de panique, c'est de tu bloques. Respectez-nous, nous pas des formes à la cool. Y'a qui bat gal, t'as crié moi ma poule. Tcho poum poum, la caille est full. Un poum poum, t'as peur, la chupé à la moule. Nous café, yo fait jalousie. Léo ka bubble, bubble, qu'on s'y oua dans jacuzzi. Pas dit nous c'est en cousine. Pas qu'à check, fuck up, MC oua dans limousine. C'est de panique, tu bloques. Si c'est pas ma botte, tu coques. C'est de panique, tu bloques. Si c'est pas ma pote, tu coques. Si c'est pas ma pote, tu coques. Coques, coques, coques. Si t'as pas de cop, si t'as pas de cop, si t'as pas de cop, tu bloques. Si c'est pas ma pote, tu coques. Coques, coques, coques. Si t'as pas de cop, si t'as pas de cop, si t'as pas de cop, tu bloques.